un peu comme le bateau seul. Et je te laisse croire que ton hypocrisie n'est pas rentable. Il fait noir dans le bac. Un mec que t'es brave dans le squad. On a tout gagné nos catalogues quand on a compris que la peine n'était pas rentable. Que si on inversait les rôles, est-ce que tu ferais des choix qui s'imposent? Pour les tiens, pourrais-tu risquer ta peau? Ou est-ce que tu fais comme l'autre? Que de temps sur un poil, un peu t'es maillé. On a fait parce qu'il le fallait. Par tous les moyens, voir les mailles. T'aurais fait quoi? J'suis pas sûr que t'aurais fait quoi? On a dû le faire, toi. On a dû le faire, boys. Sans qu'on s'est du père, boys. J'ai connu des histoires cauchemars qui me font perdre du poids. J'en ai qu'on des garanties qui prêtent à ma mère. D'un coup tu deviens tout bas. Comprends qu'aujourd'hui j'ai plus d'âme. Pourris sont les hommes. Chaque jour que je vis, je me sens pas bon. Cette vie pas normale. J'ai connu des histoires cauchemars. Tu sais la rue c'est danger. Malgré j'ai jamais changé. J'ai jamais changé. Mentalité de danger. J'suis tombé, j'me suis relevé. J'ai appris. Wesh AMB, dealer qui fait Bercy. Qui tout le temps la police en bas. Parce que dans l'équipe ils nous voient. Avancer, petit à petit, petit à petit. Regarde à mon Californie. J'ai connu des histoires cauchemars.